pour l'éternelle vie. Ce n'était pas assez à ce défunt de sa fidèle compagne. Qui les aurait servi tous deux, pris de nuit, à toi, si leurs 6 esclaves ne les avaient pas suivis de ce monde dans l'autre? Leur mort fut rapide. On réservait les tortures aux auteurs du meurtre. 6 coups de méret étendirent les victimes sur le sol. Ce fut le signal d'une épouvantable scène de cannibalisme. Des 200 Maoris présents de sacrifice, chacun eut sa part de cette chair humaine. Glenarvan et ses compagnons, haletants, essayaient de dérober aux yeux des deux pauvres femmes cette abominable scène. Puis, les danses funèbres commencèrent. Et le dernier acte des funérailles se joua avec le cérémonial accoutumé. Les cadavres de Kara Tété et de sa femme furent relevés, les membres ployés et ramassés contre le ventre. 2 civières furent apportées au pied du tertre. 4 guerriers les enlevèrent sur leurs épaules et toute la tribu, reprenant son hymne funèbre, les suivit processionnellement jusqu'au lieu de l'inhumation. La tribu s'arrêta au sommet du mont Ganamu, à l'endroit même préparé pour l'ensevelissement de Kara Tété. Rien ne manquait au confort de la tombe. Les 2 époux furent déposés l'un près de l'autre, puis recouverts de terre et d'herbe après une nouvelle série de lamentations. Alors, le cortège, silencieusement, redescendit la montagne.